Nous voici maintenant au soir de la première journée et nous sommes dans la chambre du boulanger qui n'est pas très grande mais propre et plaisante. Elle est tapissée de papier à fleurs. Le boulanger est déjà au lit. Il a mis de grosses lunettes et il lit le journal de la boulangerie. Pendant ce temps, la boulangère se déshabille. Elle est rêveuse et lointaine. C'est une bonne journée, hein. C'est vrai que c'est la première. Mais enfin, 683 francs dans un petit village comme ici, mais ça s'annonce bien. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Les paysans veulent vendre leur blé très cher et acheter le pain à très bon marché. Et ça ne tient pas debout, ça. Si on vend le kilo de grain à 1,50 francs, ça met la farine à 2,30 francs au moins. Il y a le meunier, son matériel, la force motrice, il y a le son et la repasse. Je ne fais pas du pain avec du son, et encore moins avec de la repasse. Alors il faut que je vende le pain au moins 2,70 francs. Et comment je vais me retrouver, moi? Quoi? Rien. Oh, ben oui, tu as raison, on ne peut rien dire. Parce qu'enfin, 4 sous de bénéfice par kilo, il faut que je paie mon loyer. Oh, ben oui, tu as raison, il n'est pas gros, mais enfin, il faut que je le paie. Il faut que je paie mes impôts, il faut que je chauffe mon four, il faut que je me nourrisse, il faut que je nourrisse ma femme. Alors, et encore, j'ai pas d'enfants. Si, alors, si nous avions des enfants, comment nous ferions? Eh, avant de sortir, pourtant... La belle boulangère, dans une longue chemise de nuit brodée, se couche. Le boulanger lit encore un instant, puis il se tourne vers sa femme qui vient de lui tourner le dos. Tu dors, Ali? Ah, fatigué, parbleu. Chiant. Qu'elle est belle, quand même. Il la regarde longuement, avec une grande tendresse, puis il éteint la lampe, s'allonge et s'endort. Au bout d'une minute, il ronfle. Au dehors, on entend les accords d'une guitare. La boulangère s'assoit sur le lit, elle écoute, puis se lève en chemise et va à la fenêtre. Elle l'ouvre. Soudain, le boulanger se réveille. Il s'assoit sur son lit. Il écoute à son tour, puis se lève et va près d'Aurélie. Il entrebâille les volets. Il se penche à la fenêtre. Tu vois, il vient nous faire une sérénade. Je leur ai fait du bon pain, alors ils sont contents et ils nous remercient à leur façon. Voilà. Oh, c'est joli ça. C'est dommage qu'ils chantent en piémontais, hein? Ou en corse, ou en arabe. Enfin, ça fait rien, mal. Le cœur y est. Et je crois que c'est le berger des 30 kilos de pain. Ne t'en va pas, berger, ne t'en va pas. Tu comprends? Il nous faut une sérénade, il faut leur donner quelque chose, c'était une habitude. Et on leur donne une tourte ou une fougasse avec une bouteille de vin cuit. Tiens, justement, il reste la fougasse à l'anis, tu sais, je vais la redonner. Non, laisse d'y aller. Ah ben oui, vas-y, ça sera plus gracieux, ça sera plus joli avec toi. Puis c'est peut-être un peu pour toi qu'ils font la sérénade. Ils sont contents parce que tu les as bien servis ce matin, ils viennent te remercier. La boulangère sort de la chambre et descend rapidement l'escalier de toit. Le boulanger retourne à la fenêtre. Merci, messieurs, merci. Vous êtes bien aimables. Ça me fait plaisir que vous soyez venus. Dis, toi, là, le chanteur, là-haut, rentre dans le magasin, rentre dans la boulangerie, ma femme va te faire un petit cadeau. C'est le cadeau du boulanger et de la boulangère, rentre, oh, voilà. Alors, vous l'avez trouvé bon, mon pain? Ah oui, qu'il est bon, et fais-nous-en comme ça tous les jours. Ah ben, j'essaierai, et j'espère de réussir. Tout à l'heure, vous allez goûter ce que ma femme est en train de donner à votre chanteur, et vous m'en direz de nouvelles, hein. Toi qui en auras pour tous. Oh, ben, diable, bien oh, sûrement pour tous les trois, allez. Depuis le temps qu'il est entré, il doit peut-être se la manger tout seul. Oh, qu'il est sourd, alors. Aurélie, et si tu n'as pas l'électricité, tu ne trouveras pas cette fougasse. Tu veux que je descende? Oh, va, boulanger, je crois qu'on n'a pas besoin de toi. Recouche-toi vite, que tu vas prendre froid. Oh, pas froid. Puis si je me recouche, ce sera pas pour longtemps. Parce qu'après, il faut que je me lève pour pétrir. Parce que le pain, c'est le jour qu'on le mange, mais c'est la nuit qui se fait. À ce moment, on entend un pas qui s'avance dans la nuit. Au boulanger! Oh, qui tu es, toi? Je suis Tonnet de la ferme du Gravat. Dis, demain matin, je vais à la chasse. Et alors? Et alors, je t'apporte 2 douzaines d'anchois pour que tu me fasses une fougasse. Ah, bon. Et ils sont dessalés, tes anchois? Oui, ils sont tout prêts. Bon, eh bien, rentre dans le magasin et mets-les dans la balance. À quelle heure tu la veux, ta fougasse? Vers 4 heures, à peu près. Bon, d'accord. C'est pas éclairé, dis. Aurélie, tu ne trouves pas le bouton? La boulangerie s'éclaire. Ah, ça y est, on l'a trouvé. Antonin entre.